La légende de Noël. Encore une fois, mon épée porta les coups d'elle-même. Elle vint à bout des branches qui tentaient de me transpercer. Les morceaux coupés se tordaient au sol comme des asticots. L'arbre saignait une sève nauséabonde et poisseuse. Malgré cela, la colonne de fumée ne vacillait pas. Il me fallait trancher les racines pour que tout soit fini. Comme s'il avait deviné, l'arbre se recroquevilla. Les racines étaient innombrables et s'enfonçaient si profondément que j'eus peur de ne jamais y arriver. Mais tout comme les branches, elles se tordaient sur elles-mêmes, creusant un peu plus le sol, me facilitant la tâche. Exténué, couvert de cendres et de sève gluante, mon épée trancha la dernière racine. Le tronc fut pris de soubresauts. Des jets de fumée noirâtre sifflèrent. Puis l'arbre explosa, libérant un torrent d'écume visqueuse. J'essayais de résister, mais j'étais à bout de force. Je regardais la colonne noirâtre, elle se dissipait. J'avais gagné. Je pouvais me laisser emporter par cet océan répugnant. Alors que je coulais, je me sentis envahi par une douce et chaude odeur de pain d'épices. Était-ce ce que l'on ressentait quand on mourait ? J'ouvris les yeux et je vis Nora qui m'enveloppait, formant autour de moi une bulle protectrice contre les flots sombres. Le déluge emporta tout sur son passage. Quand il prit fin, la cendre avait laissé place à la neige. Nora s'effondra. Je voulus la prendre dans mes bras, mais mes mains passèrent au travers, son image se troubla. Elle eut un sourire désolé. Je suis heureuse que ça se finisse bien. On est dans un sale état tous les deux. Comment t'es venue d'ailleurs ? Les esprits des glaces m'ont appelée alors que je partais. Oh, je suis si fatiguée. T'as pas le droit de me laisser. Les esprits des glaces peuvent te ramener, non ? J'ai bien peur que ce soit pas possible, mon petit. Et l'énergie qui me reste va devoir te renvoyer dans notre joli royaume. Je ne te verrai plus jamais ? Qui sait ? Peut-être que je serai autorisée à passer dans tes rêves. Mais je veux rester avec toi. Il te reste des tas de choses à faire, mon petit. Viens donc que je te fasse un dernier câlin. Elle ouvrit les bras et m'enveloppa de toute sa douceur. Je me suis mis à pleurer, pas de fatigue ou de tristesse, mais de tendresse. Et puis, elle rayonna si fort que j'en fus ébloui. Quand je rouvris les yeux, je me tenais sur la grande place de la capitale du royaume. Noël et ses amis ont-ils vraiment gagné ? Vous le saurez demain en écoutant le prochain épisode.